Exode chapitre 7. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je t'ai établi pour être Dieu à Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras toutes les choses que je t'aurai commandées, et Aaron, ton frère, dira à Pharaon, qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles au pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je retirerai mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, du pays d'Égypte, par de grands jugements, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai étendu ma main sur l'Égypte, et que j'aurai retiré du milieu d'eux les enfants d'Israël. Et Moïse et Aaron firent comme l'Éternel leur avait commandé, ils firent ainsi. Or Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83, quand ils parlèrent à Pharaon. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en disant, quand Pharaon vous parlera, en disant, fais un miracle, tu diras alors à Aaron, prends ta verge, et la jette devant Pharaon, et elle deviendra un dragon. Moïse donc, et Aaron vinrent vers Pharaon, et firent comme l'Éternel avait commandé, et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un dragon. Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte firent le semblable par leurs enchantements. Ils jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des dragons, mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, selon que l'Éternel en avait parlé. Et l'Éternel dit à Moïse, le cœur de Pharaon est endurci, il a refusé de laisser aller le peuple. Va-t'en, dès le matin, vers Pharaon, voici, il sortira vers l'eau, tu te présenteras donc devant lui sur le bord du fleuve, et tu prendras en ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'avait envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve au dé, Ézer. Mais voici, tu ne m'as point écouté jusqu'ici. Ainsi a dit l'Éternel, tu sauras à ceci que je suis l'Éternel, voici, je m'en vais frapper de la verge qui est en ma main, les eaux du fleuve, et elles seront changées en sang, et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve deviendra puant, et les Égyptiens travailleront beaucoup, pour trouver à boire des eaux du fleuve. L'Éternel dit aussi à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux et sur leurs marais, et sur tous les amas de leurs eaux, et elles deviendront du sang, et il y aura du sang par tout le pays d'Égypte, dans les vaisseaux de bois et de pierre. Moïse donc, et Aaron, firent selon que l'Éternel avait commandé, et Aaron ayant levé la verge, en frappa les eaux du fleuve, Pharaon et ses serviteurs le voyant, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang, et le poisson qui était au fleuve mourut, et le fleuve en devint puant, tellement que les Égyptiens ne pouvaient point boire des eaux du fleuve, et il y eut du sang par tout le pays d'Égypte. Et les magiciens d'Égypte firent le semblable par leurs enchantements. Et le cœur de Pharaon s'endurcit tellement, qu'il ne les écouta point, selon que l'Éternel en avait parlé. Et Pharaon leur ayant tourné le dos, vint en sa maison, et n'appliqua point encore son cœur aux choses qu'il avait vues. Or tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, parce qu'ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Et il se passa 7 jours depuis que l'Éternel eut frappé le fleuve.